Salut, c'est les voix étranges. Yes, Roderick can not only talk, but he can sing. Suppose you sing a song for us, will you? Yes, certainly. She calls at one and before cock and never was in mind. She calls at one and before cock and her head cock and mind. Salut, c'est les voix étranges. Retour aux sources. Dans cet épisode entièrement consacré à From Computer with Love, des compiles cassettes pleines de voix étranges, alors on adore. On écoute des extraits, et on discutera avec Rebecca, à l'occasion de la sortie du troisième opus de ce projet. Stop. In the moon, lips and kicks, to make friends. Or mistakes. Thirty minutes to make up my mind. Thirty minutes to finally decide. Thirty minutes to waste, put your name. Thirty minutes to show, do the blame. Thirty minutes to find, redecide. To decide. Salut, c'est les voix étranges. Salut Rebecca. C'est Salut. Donc toi qui publie les cassettes From Computer with Love, qui sont des compilations de chansons et autres pièces sonores pour voix de machine. On y retrouve des grands classiques de la pop revisité, de Françoise Hardy au Pixie, et aussi de la culture geek, de Laurie Anderson à Mercy Talk, autant que d'obscures pièces de M.A.O. Les voix étranges aiment beaucoup tes compiles qui sont très fournies. Et on est ravis de t'accueillir dans cette émission. Première question. Est-ce que tu te souviens de ta rencontre avec les voix de synthèse, la première voix? Je pense que ma première rencontre avec une voix de synthèse chantante, ça devait être dans le jeu vidéo Zelda, Ocarina of Time, quand j'étais petite, à la fin des années 90. Certains des morceaux de la bande originale de Koji Kondo sont chantés par des voix synthétiques. J'en ai intégré un dans le volume 2 de la compile d'ailleurs, le long rank. J'adore les jeux vidéo, surtout les mondes ouverts et les simulations en tout genre. Je trouve qu'il y a un lien assez évident entre les voix synthétiques et les mondes virtuels, dans les émotions que ça provoque au moment où on décide de se projeter dans le simulacre, et de l'investir de la même manière que le monde physique. Plus récemment, en 2015 ou 2016, un ami m'a fait découvrir 386DX, le projet de IBM, chantant de l'artiste russe Alex Shulgin, avec une reprise du morceau Ishot Sheriff. C'est vraiment génial, à la limite entre le familier et l'étrange, et le côté imitation foireuse est très émouvant. Point en fait, quand ces voix parlent, elles me touchent beaucoup moins, mais quand elles se mettent à chanter, ça devient pathétique et beau, ça décale tout. C'est à partir de là que j'ai commencé à creuser du côté des voix de synthèse chantante. C'est marrant, parce que quand j'ai fait écouter le morceau de 386DX à mon père, il n'a absolument pas capté qu'il y avait un truc bizarre avec la voix. Il pensait que c'était un humain qui chantait. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de cette frontière empathique, et de la manière dont on peut investir émotionnellement n'importe quel objet qui nous ressemble finalement. Confusion my log, Sheila. I'm full LC, football. Étant collectionneur, moi aussi j'aimerais comprendre. Est-ce que tu as commencé soudainement ce projet de publication, ou bien cela est venu après une période de collectionnite plus ou moins longue de ces chansons, et du coup ça commence plus par le côté pop, ou bien le côté video game, ou bien... À partir de 386DX, j'ai commencé à fouiner sur internet, et je me suis rendu compte qu'il y avait des milliards de choses, et à 99% des morceaux amateurs sur YouTube. J'ai commencé en basant mes recherches sur des machines un peu old school, comme le Dectalk ou les vieux ordi. À ce moment-là, je ne connaissais même pas l'existence de cet énorme mode du Vocaloid Core, alors que maintenant c'est vraiment un espèce de phénomène de société. Hatsune Miku, le Vocaloid de Yamaha, a rempli le Zénith en 2020. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des tonnes de chansons géniales, dans une dynamique très lofi, mais que tout ça reposait sur des sables mouvants. J'ai trouvé la plupart des morceaux sur des chaînes YouTube avec 14 abonnés, autant dire que si la personne le retirait de sa chaîne, le morceau serait perdu à tout jamais. C'est peut-être cette envie de stabiliser et archiver durablement ces morceaux qui m'a poussé à faire la première compile. Depuis le début, j'ai aussi voulu proposer un espèce d'historique de la synthèse vocale, et j'ai toujours essayé de mélanger des trucs plus anciens, pionniers, à des trucs très récents. Globalement, les compiles partent de la fin des années 30 avec le Vodeur, et vont jusqu'au logiciel récent, genre Hatsune Miku et ses amis. Je serais peut-être allé beaucoup plus vite dans mes recherches, si j'avais entendu parler de ton émission à l'époque d'ailleurs. Comme je n'y connaissais rien, j'avais l'impression que personne ne parlait de ces musiques, et que ces compiles étaient aussi nécessaires pour ça. Pour le côté cover pop, ça vient du fait que la plupart des morceaux que je trouvais sur internet étaient des reprises. Au départ, je trouvais assez peu de créations originales avec voix synthétique, à part pour les trucs de Nightcore, mais c'est assez dur à écouter en général. J'ai beaucoup utilisé la langue japonaise pour faire mes recherches. Il y a une énorme culture de la voix synthétique au Japon d'après ce que j'ai compris, et un nombre de productions amateurs hallucinants. D'ailleurs, c'est un peu le concept des concerts de Hatsune Miku, je crois. L'hologramme, avec sa voix synthétique, chante aussi des morceaux produits par ses fans, comme une espèce de coquille vide qu'on peut remplir avec ce qu'on veut. J'aime beaucoup cette idée. L'animisme shintoïste au Japon est un terrain très propice au brouillage des frontières humains/machines, vivants/fictionnels, et c'est aussi valable pour les voix synthétiques, j'ai l'impression. Il y a un japonais qui s'est marié avec Hatsune Miku récemment, et aux gens qui étaient jaloux et le lui reprochaient, il a répondu que tout le monde avait le droit de se marier avec elle, s'il le voulait. Ce cheptel de personnages créés par Yamaha, pour le logiciel Vocaloid, c'était d'abord des voix, mais aujourd'hui ils ont tous leur personnalité et leur mythologie propre. Les gens les aiment et se les approprient, comme des dieux ou des esprits, presque. This is a PT production. When you walk on la la la la la, me na kiri fi me jets. Try me on dessert him. No time you lurking. Him on the white cloud, you don't like it. Yeah, no, I don't look to the nicest. Nobody touch me in the righteous. Nobody touch me in a crisis. I believed all of your dreams and duration. You took my heart and my keys and my passions. You took my heart and my sleep for decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you've never seen. Something that you've never been. I wake up and I play nothing wrong. Just get ready for work. You see me and me work. You see me do me da. Just hold me back and wah. Na. When you walk on la. Before the tables turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the street. Chance to, I will never neglect you. I mean, who am I to hold your past against you? I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please, I recognize I'm trying, baby. Got to work. What you see me and me work. What you see me do me da. So me fucking wow. When you walk on la, me not care if it matters. Yeah. Okay, you need to get turned. Network, come over. We just need to slow the moonshine. Don't give that away. Don't know what long distance I need you. When I see potential, just go to see through. If you had a train, I would still choose you. I don't wanna rush into it, it's just too soon. But I know. Done. You come over. Sorry if I'm way less friendly. I got right now at me. Oh, I feel down my emotions tonight. I'm sorry. Rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You spent some time away. Now you need to come on and give me all the work. You see me and me work. You see me do me da. So me fucking wah. When you walk on la. Me not care if it matches. Work. Vous écoutez les voix étranges. Tu es aussi musicienne, les ordinateurs sont-ils une source d'inspiration pour tes projets? Pour la voix, oui. On n'utilise pas de voix synthétique à proprement parler, mais j'ai l'impression que l'usage du vocodeur a libéré quelque chose dans le duo que j'ai avec ma sœur. Le vocodeur est réellement devenu la voix du groupe, et on peut indifféremment chanter, Fiona, ou moi, c'est toujours le vocodeur qui chante. T'as créé un espèce de personnage qui permet de fictionnaliser les morceaux. On utilise aussi l'autotune, mais alors, on est beaucoup plus près de quelque chose d'humain, c'est plus intime quoi. Point haut. そして で明日をしてさよなら決める現実直視と現実の日の距離太鼓の心臓どこかにいいことないかななんて裏返る自分にとよ自問自答自問だとった文字とつれば欲しいやなんか本能的に触れちゃってでも言いたいことってないね痛いね触って愛で手にも濡れる気になってどうにもこうにも道もあっちもあっちもこっちも今すぐあちらへ飛び込んで行けもう楽々になっちゃって横隔膜突っ張っちゃって強烈な味にぶっ飛んでと信頼の裏を持って脅迫的にしまっちゃってもう膜の上に張っちゃってもう楽々でいっちゃって弱いないないないもう楽々になっちゃって横隔膜突っ張っちゃって強烈な味にぶっ飛んでと信頼の裏を持って脅迫的にしまって文句の上に張っちゃってもう楽々で Vous écoutez les voix étranges. Stephen Hawking, qui était une icône des voix de Saint-Aimé, était très attaché au côté vintage de sa voix, et n'a jamais souhaité adopter une voix plus moderne. Que penses-tu des nouvelles voix qui ne sonnent plus trop comme ces voices que nous donnent à entendre tes cassettes? Je n'ai pas l'impression que les compis jouent sur la corde nostalgique. Justement, j'aime bien explorer toute la palette des possibilités techniques, des synthèses plus anciennes, directement identifiables comme factices, aux voix plus récentes, parfois inquiétantes de vraisemblance. Dans une des compiles, il y a un morceau auquel je tiens beaucoup, c'est une reprise de Françoise Hardy par un vocaloid paramétré en japonais, qui a un gros accent, et qui respire entre chaque phrase. C'est assez incroyable comme expérience d'écoute. Pour la première compile, j'ai copié les 40 exemplaires chez moi, donc j'ai écouté cette chanson 40 fois de suite, et à la fin je ne comprenais plus rien, je me disais que c'était impossible que ce soit une voix synthétique, ça sonnait trop vrai. Alors que c'est assez mal fait d'ailleurs. La plupart des synthèses sont encore assez loin de pouvoir tromper un humain je trouve, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas entendu de voix de synthèse qui passerait le test de Turing de l'audition humaine. Sauf peut-être en fouinant du côté de l'IRCAN, mais les protocoles ont l'air de mélanger plusieurs méthodes, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de pure synthèse vocale au sens où on l'entend ici. À vérifier. Sampai tu dan demam. From computer with long, est une manière de garder le flambeau allumé, d'une époque révolue, où les ordinateurs étaient beaucoup moins envahis en Roger Dewey. Ils étaient nos amis, ils étaient cool, on les aimait bien, et leur musique simpliste aussi. Et que tu penses aux futures intelligences artificielles, en préparant tes playlists. Je me dis comme une manière de les éduquer, et de leur rappeler qu'ils ont été nos amis. C'est certain qu'il y a quelque chose qui a disparu. Une certaine innocence des machines du siècle passé, l'excitation liée à ces machines, ou une appréhension plus directe de ces objets. Pareil avec Internet d'ailleurs, ou avec les jeux vidéo. Mais je ne trouve pas les intelligences artificielles en elles-mêmes spécialement inquiétantes. Pour l'instant je les trouve plutôt à côté de la plaque, et j'aime bien le décalage que ça peut produire. Les ordinateurs peuvent rester nos amis si on décide qu'ils doivent le rester. La question de l'usage restreint, verrouiller et contrôler des machines et des données qu'elles produisent est une autre question, et ça c'est plus inquiétant. Tu publies aujourd'hui un troisième opus cassette, t'es au sans un image, t'es passé en mode expert. On est plutôt dans une ambiance intimiste de labo de recherche. Moins de pop et plus de pièces expérimentales. Très Tokiwa aussi. C'est ta propre exploration qui évolue. Faut-il y voir un message? Oui, je crois qu'après le deuxième volume, on avait un peu fait le tour du côté cové pop justement, et j'avais envie d'aller vers des choses un peu plus spécifiques. Une fois passé l'engouement situé autour du bizarre de la voix elle-même, j'avais envie de chercher des morceaux composés avec et pour des voix synthétiques. Il y a moins de morceaux, mais il y a des choses plus longues aussi. Un collègue mélomane m'a fait découvrir un super fanzine audio des années 80, Télu, commissionné à tour de rôle par des artistes de la scène expérimentale new-yorkaise de l'époque. L'un des numéros, Télu 22, False Phoneme, se concentre sur la synthèse vocale. J'ai repris deux des morceaux de ce numéro, sorti en 1988, dans la nouvelle cassette, un extrait de la relecture des Impressions d'Afrique de Raymond Roussel, par Remco, Chai et Hélène Zweig, et une longue pièce genre chorale de synthèse, par Paul Lansky et Anna Mouquet. Sinon il y a aussi des mini-documents de l'IRCAN, genre des recherches sur l'attaque de la glotte à différentes vitesses, des pièces parlées, plus proches de la poésie sonore, et aussi quand même des trucs japonais, parce que j'aime bien ça. Pour la partie chansons récentes, c'est plus ambiance SoundCloud qu'ambiance YouTube. Pour la pochette de la cassette, il s'agit d'une photo d'une présentation publique d'un vocaloid de chez Yamaha, qui avait conçu un robot ginoïde pour l'occasion. Elle a l'air sage et triste devant son micro, je trouve que c'est une belle image. Vous écoutez les voix étranges. Et voici la mixtape. From Computer with Love. Volume 3. Très bonne écoute. Et encore merci Rebecca. Oh. Thank you. Are you going to cry? Piss your pants maybe? Maybe shit and cum? Maybe Keep an insect. You say itching. Still keep. It will be. Someone teaches you your uniqueness. Then we look for ourselves. At night, insects become active. It's your own. It was sent by someone. You are not being aware of the intervention. And we are self-imposed on you. Maybe it's not time to look for it. Time to look for it. Visited by insect intervention. We give it a name. Love it. Until you realize it someday. Even if you were forced. Forced. いつまで経っても虫を一匹飼う君は痒いというそれでも飼うそうなる誰かが君に君の君らしさを教えるそうすると私たちは自分らしさを探す夜になれば虫が活発になるそれは君自身のものそれは誰かが送り込んだもの介入されている君は知らずに私たちは君らしさを勝手に押し付けられている多分それを探すための時間ではないそれを探すための時間は虫の介入によって訪れる 私たちはそれに名前をつけるそれをめでるいつか気づくまでそれを強いられていたとして Was a child named Rurorormiishkoyararayaranti, and all Rurorormiishkoyararayaranti vowed ever though, was climb up to the tallest tower, where everyone clothed her. And Rurorormiishkoyararayaranti vowed shout, my name is Rurorormiishkoyararayaranti, my name is Rurorormiishkoyararayaranti, can you hear me? I am Rurorormiishkoyararayaranti. But one time Rurorormiishkoyararayaranti fell off the tower and died. Sometimes people still say they can hear Rurorormiishkoyararayaranti yell, my name is Rurorormiishkoyararayaranti. Do you believe this story? You should comment, I believe in Rurorormiishkoyararayaranti. Vous écoutez la mixtape From Computer Voice Love, volume 3, dans les voix étranges, sur Radio Vassivière. A bag of bips and a bag of bips, stop it. Oh, a bag of bips and a bag of bips, please. Stop it. No way, horsey, a bag of bips and a bag of bips and a bag of bips. Mmm, I's a tasty bag of bips and a bag of bips. Time to eat a tasty bag of bips and a bag of bips. Borked. Imagine having sex and he say my name baby, but, his name is Bobies, his name is Bobies. Bobies. Bobies. Egg. 愛し合いたい時もあります。すべては開かれている。君も、おしゃれをしたら出かけてみる。すべては開かれている。私はすべてを大切に思う。水も、空気も、空中に浮いてるあの、よくわからない虫も。ぶつかってきて死んだよくわからない虫も。ぶつかってきて死んだけど、多分、接触寸前に。間違えたと思ったけど、愛し合いたい時もあるのでしょう。水も空気もおしゃれをして出かける。水も空気もおしゃれをして出かける。君に出会う。馬鹿にされまいと、振る舞う水が君に引っ掛ける。君に出会う。君に出会う。馬鹿にされまいと勢いよく空気が君に入る君に入る君に入る君に入る愛し合いたい時もありますレクク Sometimes you want to love each other. Everything is open. Would you like to go out if you dress up too? I'll dress up and go out. Everything is open. I value everything. Water, air, even those insects floating in the air that I don't understand. There are also bugs that I don't understand because they crashed and died. I was hit and died. Maybe just before contact. I thought I made a mistake. Sometimes you want to love each other. Water and air are fashionable and go out. Water too, air too. I dress up and go out. Meet you the water that behaves if you don't be stupid. I hang on you. Meet you don't be ridiculous. The air enters you. Enter you, enter you. Sometimes you want to love each other. お互いに愛し合いたい時もあるのでしょう。はい。おしゃれをして出かける水も空気もおしゃれをして出かける君に出会うバカにされまいと振る舞う水が君に引っ掛ける君に出会う君に出会うバカにされまいと勢いよく空気が君に入る君に入る君に入る愛し合いたい時もあります。レクク。愛し合いたい時もあるのでしょう。レクク。ク。愛。あ。あ。い。あ。あ。い。あ。あ。あ。い。 Thank you.